بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, on continue notre série sur la biographie des quatre califes, Siratu al-Khulafa al-Rashidin, رضي الله عنهم أجمعين. Et aujourd'hui, on continue avec la biographie de Uthman ibn Affan. ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما اسمه ونسبه وكنيته فهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي. Donc il fait partie de المهاجرون de la tribu de قريش رضي الله عنه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب: يكنى أبا عبد الله وأبا عمر كنيتان مشهورتان له وأبو عمر أشهرهما. Il avait deux kunyas, Abu Abdullah et Abu Amr, lakin il était plus connu par la deuxième kunya, Abu Amr. قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: يقال لعثمان رضي الله عنه ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد الأخرى. Et son surnom c'était Zunnurayn. Ça vient du mot Nour, la lumière. Pourquoi? لأنه il s'est marié avec deux filles du prophète عليه الصلاة والسلام. رقية et أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. قال ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره رضي الله عنه. Et on ne connaît pas dans l'histoire, comme il a rapporté l'imam al-Nawawi, un homme qui s'est marié avec deux filles d'un même prophète. إلا عثمان رضي الله عنه. Ça c'est une فضيلة عظيمة pour ce compagnon. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ولد في السنة السادسة بعد الفيل. Il est né la sixième année après الفيل. الفيل أي l'année où Allah سبحانه وتعالى il a anéanti l'armée qui a voulu attaquer الكعبة. Et c'est l'année où le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام il est né. Donc عثمان رضي الله عنه il avait à peu près 6 ans de moins que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Amma zawjatuhu wa awladuhu radiyallahu anhu, ses épouses et ses enfants. Fa kama taqaddam, il s'est marié avec Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hajarat ma'ah ila al-Habasha. Donc il s'était marié avec Ruqayya, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et elle avait fait الهجرة avec lui إلى الحبشة. La première هجرة. رضي الله عنها. ولم يرزق منها إلا ولده عبد الله. Il a eu un enfant avec elle فقط. Et c'était son fils عبد الله. Et عبد الله رضي الله عنه. Il est mort très très jeune. توفيت رقية في السنة الثانية. Elle est morte رضي الله عنها. La deuxième année de l'Hégire. Juste après غزوة بدر. كذلك il s'est marié avec أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Juste après le décès de Ruqayya, le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a marié avec son autre fille كلثوم. ولم يرزق منها ولد. Il n'a pas eu d'enfant avec كلثوم. وتوفيت سنة تسع رضي الله عنها. Elle est morte. Elle est décédée juste avant le prophète صلى الله عليه وسلم, la 9e année de l'Hégire. كذلك تزوج avec أم عمر بنت جندب ابن عمر. Parmi ses épouses donc أم عمر. ورزق منها أولاد كثير. Parmi عمر وأبان أبان الفقيه أبان ابن عثمان من كبار التابعين وعمر وخالد ومريم. Et كذلك il s'est marié avec d'autres femmes رضي الله عنهم أجمعين. Donc il a eu plusieurs enfants, Abdullah et Amr, dont il portait la kunya. Ou sa kunya, c'était Abu Abdullah et Abu Amr. Amma islamuhu, faqala Ibn Ishaq fi sira. Et comment il est rentré fi al-islam? Faqala Ibn Ishaq, faja'ala أي أبو بكر يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق من قومه ممن يغشاه والجليس إليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه il faisait partie des tout premiers qui sont rentrés vers l'islam. Il a commencé à faire da'wa à ses proches, à ses amis. فأسلم بدعائه رضي الله عنه فيما بلغني هذا قول ابن إسحاق عثمان بن عفان والزبير وعبد الرحمن بن عوف والسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم tous partie de المبشرين بالجنة. عثمان الزبير عبد الرحمن سعد الطلحة للسانك. Ils font partie des 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a promis le paradis alors qu'ils étaient encore vivants. Fahaoula kulluhum, la cause de leur islam, ou parmi les causes, c'est du'a wa da'wat Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum. Et hada c'est mashhour fi kutub as-siyar. وابن إسحاق إمام في هذا الباب والله أعلم. أما فضائل عثمان فكثيرة. Ses mérites, de nombreux hadiths qui prouvent son rang élevé dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهو أمير المؤمنين ذو النورين وصاحب الهجرتين. Il a fait الهجرة deux fois إلى الحبشة إلى المدينة. Et من فضائله أنه il s'est marié avec deux filles du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وأحد العشر المشهود لهم بالجنة. Comme on a cité dans les cours précédents la biographie de Abu Bakr et de Umar رضي الله عنهما, on avait cité ce hadith. Abu Bakr في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. Donc il fait partie de ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a promis le paradis alors qu'ils étaient encore vivants. قال وأحد الست أصحاب الشورى. Ce que Omar il a désigné les six pour choisir le khalifa comme ça يأتي inshallah. قال واحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة ثم تعينت فيه إجماع المهاجرين والأنصار إلى آخره. Tout ça on le verra inshallah à la fin de la kalima. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له. مرة النبي صلى الله عليه وسلم il était chez Aïcha et il était allongé. Il avait une certaine position. Et son vêtement, il était au-dessus de son genou. فاستأذن أبو بكر. أبو بكر il a demandé l'autorisation de rentrer. فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé أبو بكر de rentrer et ils ont parlé. Il n'a pas changé de position. Il est resté comme il était عليه الصلاة والسلام. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. La même chose pour عمر. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. Quand Uthman il est venu, il a demandé l'autorisation. فَالنَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Il a changé de position et il a remis son vêtement correctement. فَلَمَّا خَرَجْ قَالَتْ عَائِشَةَ Aïcha, elle a vu. Donc quand Uthman il est sorti, elle a demandé au prophète Mohammed عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Pourquoi دَخَلَ أَبُو بَكْرَ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُمْ وَلَمْ تُبَالِ وَكَذَلِكَ عُمَرْ قالت ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم il lui a répondu pour lui montrer pourquoi il a fait cela quand عثمان il est rentré رضي الله عنه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال pourquoi n'aurais-je pas de pudeur pour cet homme que les anges eux-mêmes ils ont de la pudeur envers lui. هذه فضيلة عظيمة لهذا الصحابي الجليل. Il avait énormément de pudeur. Tellement qu'il avait cette pudeur, الملائكة كانوا يستحيون من عثمان رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? لأن هذا الأثر عن ابن عمر il montre, il prouve أنهم ils étaient tous d'accord أن أفضلهم après le prophète bien sûr عليه الصلاة والسلام c'était Abu Bakr. Et le meilleur, c'était Abu Bakr. Et ils reconnaissaient tous cela, ils étaient tous d'accord, c'était clair pour tout le monde. Thumma, après Abu Bakr, Umar. Thumma, Uthman. Et c'est pour ça que c'est le même ordre fil khilaf. À chaque fois qu'ils choisissaient un khalifa, c'était le meilleur d'entre eux, radiyallahu anhum. Qala al-Hafidh ibn Hajar fil Fath. رحمه الله اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر رضي الله عنه هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان رضي الله عنه. Et les savants ils sont tous d'accord l'unanimité أن le meilleur après هؤلاء الثلاث c'était علي. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا تسب عثمان فإن كنا نعده من خيارنا. ما بالك رجل كي était considéré par hadhal mujtama' at-tayyib, haoula al-akhyar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le considéraient comme l'un des meilleurs d'entre eux. Al-athar rawahu al-imam Ahmad fi fada'il as-sahaba. Wa Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il a rapporté annahu qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-madina wa laysa biha ma yasta'dhabu ghayru Bir Roum. Quand ils sont arrivés à Médine, ils n'avaient pas de puits al-Muslimoun pour eux et de l'eau potable pure pour en profiter. Il n'y avait que ce puits, Bir Roum, le puits de Roum. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روم فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. Qui c'est qui achète ce puits? Et en échange, il en aura un meilleur au paradis. فقال عثمان رضي الله عنه فاشتريتها من صلب مالي. Il l'a acheté avec son propre argent pour les croyants et bien sûr pour profiter de cette récompense. Al-Hadith rawah al-Imam al-Tirmidhi. Et Aslul Hadith, il est fait le Bukhari et il a rapporté كذلك cette narration qu'on vient de lire, Mu'allaqan sans Isnad, lakin. إلى ستة الأصل رحمه الله. كذلك في مسند الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم la même chose pour المسجد مرة il a demandé si quelqu'un voulait participer pour agrandir le masjid et il aura en échange un bait, une demeure في الجنة. فقال عثمان رضي الله عنه فابتعته من مالي فوسعت المسجد. كذلك celui qui a payé, celui qui a financé l'agrandissement du masjid à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان رضي الله عنه لما حوصر في داره, quand الخوارج ils l'ont encerclé chez lui comme on verra à la fin de la كلمة إن شاء الله, il leur a dit ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة أي pour la غزوة de Tabuk أي qui sait qui finance les préparations pour cette bataille la bataille de Tabuk فله الجنة il aura le paradis. فقال عثمان فجهزته الحديث il est في البخاري معلقا et l'imam Ahmed il l'a rapporté في فضائل الصحابة. Tout ça ça montre ماذا. Tous ces hadiths, ça montre anna Uthman radiyallahu anhu, il était très très généreux. Allah subhanahu wa ta'ala razaqahu amwal. Il avait beaucoup d'argent radiyallahu anhu. Tajir min al-tujjar, il faisait du commerce. Et Allah subhanahu wa ta'ala waffaqah, il l'a guidé annahu, il dépensait cet argent fi sabilillah. Et ça c'est une énorme leçon pour chacun de nous. Si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ouvert les portes, فَاُتِلِّزَ هَذَا الْمَالِ pour préparer l'au-delà. فَتَأَمَّلَ à chaque fois النبي صلى الله عليه وسلم il disait celui qui fait telle chose il aura le paradis. Celui qui dépense, il aura le paradis. Fabi hadhal mal, c'est un sabab azim, ya ikhwan, pour préparer l'au-delà. Et kadhalik, plus tu donnes, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout. قال أبو هريرة رضي الله عنه اشترى عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين. عثمان il a acheté le paradis deux fois. Et avec les riwayats qu'on a lu, trois fois. Ça veut dire quoi, il a acheté le paradis? Il a utilisé son argent et cette dépense fi sabilillah, c'est une cause pour que Uthman il rentre fil jannah comme il lui a annoncé le prophète alayhi salatu wassalam. قال يوم روما quand il a acheté le pluie ويوم جيش العسرة pour la غزوة de Tabuk quand il a équipé l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. قال الامام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ كان رضي الله عنه ممن جمع بين العلم والعمل كذلك عثمان رضي الله عنه il faisait partie de kibar As-sahaba fi al-ilm wal-amal wat-taqwa. Il faisait partie des savants parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Qala was-siyam wat-tahajjud wal-itqan wal-jihad fi sabilillah. Et il était connu pour al-ibada. C'était un abid, zahid, taqi. Il faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration. As-sa'ib ibn Yazid il a rapporté أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. Et هذا c'est authentique. Ça a été rapporté authentiquement par plusieurs personnes, par plusieurs imams عن عثمان أنه il faisait قيام الليل avec une ركعة et dans cette ركعة il lisait le Coran entier. من سورة الفاتحة jusqu'à سورة الناس. Ça demande un énorme effort. Ça demande de la patience. Ça demande du temps. قال كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. وابن سيرين رحمة الله عليه قال قالت امرأة عثمان رضي الله عنها وعنه حين قتل quand il a été tué la femme de عثمان رضي الله عنها نعم رضي الله عنهما الذي لقد قتلتموه vous l'avez tué وإنه لا يحيي الليل كله بالقرآن في ركعة alors que il récite la nuit le Coran entier dans une ركعة. On a ajouté cette riwaya pour montrer أن il le faisait ou il l'a fait plusieurs fois رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السيرة dans son livre At-Tarikh صح من وجوه أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة. Plusieurs narrations authentiques qui prouvent هذا. Et عثمان رضي الله عنه il disait لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. C'était lui le قائل de cette مقولة عظيمة أن si nos cœurs ou si on purifie nos cœurs enfin, on ne sera jamais rassasié de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour nous, avec nos faiblesses, nos manquements, fil l'ibada, pour nous, ça paraît énorme. Réciter le Coran dans une rak'a fi layla, combien d'heures ça va prendre? Après l'Isha, jusqu'à avant le Fajr, des heures. Lakin, hadha sahabi al-jalil, pour lui, c'était du repos. Pour lui, il appréciait هذا. Il savourait هذه الصلاة رضي الله عنه. أما شهوده الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم il a participé à la plupart des batailles avec le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما كانت وقعة بدر اشتغل عثمان رضي الله عنه بالتمريض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون أن quand on a cité les épouses de عثمان رضي الله عنه on a cité la fille du prophète صلى الله عليه وسلم رقية وقلنا أنها ماتت juste après la bataille de Badr. Elle est décédée juste après la bataille de Badr. Vu qu'elle était malade durant cette bataille, فعثمان il a pas pu participer. Il s'est occupé de la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Wa aqama bi sababiha fi al-Madina, il est resté fil Madina. Le Nabi sallallahu alayhi wasallam, il lui a donné cette excuse. Wa daraba lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sahmihi minha wa ajrihi fiha. Et le Nabi sallallahu alayhi wasallam, même malgré qu'il n'a pas participé à la bataille, il lui a donné une part du butin. Qala fa huwa ma'dud fi man shahida. Ah, il est considéré avoir participé. Limadha li anna, ce qui l'a empêché de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de s'occuper de la fille du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa shahida Uhudan wal Khandaq wal Hudaybiyah wa Khaybar wa Umrata al-Qadha wa Hadar al-Fath wa Hawazin wa Ta'if wa Ghazwat Tabuk fa radiyallahu anhu, il a participé à toutes ces batailles. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il a rapporté, قال إنما تغيب عثمان عن بدر, il a persisté à Badr. Pourquoi? فإنه كان تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانت مريضة. Donc il s'est occupé de Ruqayy, la fille du prophète صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète lui a dit, إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا والسهم, tu as la récompense comme si tu avais assisté avec nous à Badr, et qu'adalik tu as ta part du butin. Al-Hadith, il est fi sahih al-Bukhari. Amma khilafatu Uthman, fa Amr ibn Maymoun, rahmatullah alayhi, qala falamma furiga min dafni, quand ils ont fini l'enterrement de Umar, radiyallahu ta'ala anhu wa arzah, ishtama'a ha'ula arrahat, fa qala Abdurrahman ibn Auf. Tathkurun, dans la kalima précédente, la biographie de Umar, Annahu radiyallahu anhu, avant de mourir, il a désigné 6 compagnons. Et parmi Ha'oula, Uthman et Abdurrahman ibn Auf. Fa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, qala ij'alu amrakum ila thalathatin minkum. Il a dit aux 5 autres, avec lui ça faisait 6, il a dit aux 5, choisissez 3. On en choisit 3 et après on voit. Fa qala Zubayr رضي الله عنه ابن العوام الصحابي الجليل كي faisait partie des 6 قد جعلت امري الى علي الى دي انا جو شوازي علي وقال طلحه رضي الله عنه ابن عبيد الله قد جعلت امري الى عثمان رضي الله عنه الى دي انا جو شوازي عثمان هذا ça montre ان الزبير طلحه se sont retirés donc il en reste que 4 قال وقال سعد بن ابي وقاص قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص كذلك سيغوتيري الى شوازي عبد الرحمن بن عوف دونك يغست هؤلاء الثلاثه عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب فقال عبد الرحمن بن عوف ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك الى دي اسكو لان دو فو الى parlé à عثمان وعلي. Est-ce que l'un de vous il se désiste et on choisit l'autre comme émir? Ça montre quoi? Ça montre que Abdurrahman ibn Auf kadhalik s'est retiré. Il a donné le choix à Uthman et à Ali. Si l'un de vous il se retire, il en restera plus qu'un et on lui prête allégeance et ça devient émir al-mu'minin. Fa uskita ash-shaykhan. Ils se sont tus. Uthman et Ali. Fa qala Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, afataj'alunahu ilayya? وَوَاللَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَلْوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ فَقَالَ نَعَمْ. Quand ils se sont tués, Abd al-Rahman ibn Auf, il leur a proposé, est-ce que vous me laissez choisir l'un d'entre vous deux? Ils ont dit نعم. Donc, cette responsabilité, elle est revenue à Abd al-Rahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Il devait choisir entre Uthman et Ali. قَالَ فَأَخَدَ بِيَدْ أَحَدِهِمَ فَقَلْ. Il a pris la main awalan de Ali. فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت. Il lui a dit, tu fais partie de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. Tu fais partie des tout premiers qui sont rentrés في هذا الدين. فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. Il lui a dit, si je te choisis, tu dois juger avec la vérité et tu dois respecter t'as cette responsabilité et de gouverneur, etc. Donc, moi, il a dit, radiyallahu anhu, si je choisis Uthman, tu dois écouter et obéir à Uthman. Pourquoi? Parce que ça deviendra le gouverneur pour tout le monde. Thumma il a dit la même chose à Uthman, radiyallahu anhu. Falamma akhadha al-mithaq, qala radiyallahu anhu. Quand il a conseillé les deux, il leur a rappelé ces principes très très importants. Faqala irfa'i yadaka ya Uthman. Fabaya. Abdurrahman ibn Auf, il a dit à Uthman, lève ta main et il lui a prêté allégeance. Fabaya lahu Ali, thumma Ali, qui était présent, qui était avec eux, il a prêté allégeance. Kadhalik, wa walaja ahlu ad-dar fabaya'u. Et tous ceux qui étaient dans la maison, ils sont venus et ils ont prêté allégeance à Uthman. Enfin, c'est devenu Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu. هذه القصة في صحيح البخاري وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان عبد الرحمن بن عوف dans une autre narration toujours dans صحيح البخاري il a dit à Ali j'ai regardé j'ai écouté les gens je me suis renseigné et personne ne met quelqu'un à la place au même niveau que Uthman. Pour montrer à cette époque, comme a dit Ibn Umar, radiyallahu anhum ajma'ina, yani sahaba, à cette époque, après Umar, ils pensaient tous que le meilleur d'entre eux, c'était Uthman. Wahdar akhi al-muslim, min riwayat al-kazabin, al-rafidha, al-zanadiqa, al-mujrimin. Fais attention aux narrations des menteurs, huna. Ils essayent de faire croire que Ali il a été trahi, que Sahaba ils ont comploté pour que Ali ça devienne pas Amir al-Mu'minin. Ihdhar, c'est pour ça que هذا الباب العظيم, surtout cette période, à partir du califat de Uthman, et encore plus après sa mort et tout ce qui s'est passé, ihdharu, de ne pas écouter n'importe qui. فكم من الناس يتكلمون, et ils rentrent dans les détails, alors que le ulama aslan il conseille de ne pas rentrer dans les détails في هذا. C'est pour ça qu'on ne détaillera pas. Lakin, rentrer dans les détails, encore plus se baser sur des ignorants, encore plus grave, se baser sur des narrations des ennemis de l'islam et des ennemis des compagnons, radiyallahu anhum. Chacun à l'insan, il peut avoir des doutes. Et Bardenas, ils ont voulu étudier cette période de l'histoire en détail. Ils se sont égarés. وبعضهم à cause de cela يطعنون, ils critiquent et ils accusent Uthman et tous les compagnons et عياذا بالله وقعوا في ضلال الرفض. Ils ont eu les pensées de Rawafid, les ennemis des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Ibn Abi Shaybah il a rapporté عن Ali Ibn Abi Talib رضي الله عنه أنه قال لو يسرني عثمان تأمل لو يسرني عثمان إلى سرار أي أن أندوا بالوان دو المدينة لسمعت وأطعت أي سي عثمان هكذا علي رضي الله عنه إلى دي سي عثمان يمردن دو دالي دان سيت أندوا فجيكوت جوبي جيري أ سيت أندوا pour montrer أن علي رضي الله عنه il fait partie de أفاضل الصحابة من الخلفاء الراشدين et on étudiera inshallah bientôt sa biographie فهو c'était من أبعد الناس. Annahu, il n'est pas d'accord. Annahu, il a pensé qu'il a été trahi. Annahu, il détestait les compagnons. Na'oudou billah. Tout ça, c'est min kadhibat wa iftira'at ha'oula al-zanadiqa. Donc, on fait attention. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, fi sharh mushkil al-athar, qal wa amma bay'at Uthman, radiyallahu anhu, fa kanat bay'at huda wa rashad wa istiqama. واتفق من المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهم عليها لم يتنازعوا في ذلك ولم يختلفوا فيه رضوان الله عليه. Tous les compagnons, ils ont été d'accord. المهاجرون والأنصار. Pas un qui a خالف. Ils étaient tous d'accord. Ils ont tous accepté que Uthman, ça devient الخليفة. ولا شك أنه c'était أفضلهم. Et c'était lui qui méritait. Radiyallahu anhu. Et il a été choisi par Qadat al-Sahaba, par les savants de al-Sahaba, les meilleurs parmi eux, Abdurrahman ibn Auf, etc. كذلك نقل الإجماع النووي وابن كثير البخاري دون الصحيح الى ان باب في هذا فالحمد لله. ومن اعماله العظيمه رضي الله عنه دون durant son califat جمع القران. Et ça fait partie des mérites et des hasanat de ce compagnon رضي الله عنه. في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال ان حذيفه رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي اهل الشام في فتح ارمينيه وادريبيجان. L'Arménie et ce pays du côté de l'Irak. Hudhayfa radiyallahu anhu, il était هناك pour al-jihad. قال فافزع حذيفه رضي الله عنه اختلافهم في القراءه. Et حذيفه رضي الله عنه, il a été étonné comment les gens هناك, اي من اهل العراق, et ceux qui ont participé à ces batailles parmi les croyants, comment ils divergeaient à propos de la lecture du Coran. لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. La langue de Quraysh est autre. Ne pas confondre avec les qira'at. Les lectures, c'est autre chose. Et ce point précis, il est cité في كتب علوم القرآن. على كل حال, ce qui nous intéresse ici, أن حذيفة خشية, il a craint que la Ummah se divise. فلهذا قال رضي الله عنه لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. Il a dit à Uthman رضي الله عنه يا أمير المؤمنين fais quelque chose avant que la Ummah elle se divise comme les Juifs et les Chrétiens se sont divisés avant nous à propos de leur livre. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسل إلينا بالصحف. Pourquoi? Parce que Hafsa, elle avait des copies, certains versets du Coran que son père Omar radiallahu anhu, il lui a laissé. As-suhuf, c'est des feuilles et des pages. Nansakhuha fil masahif, thumma naruddaha ilayk. Fa arsalat biha Hafsa ila Uthman. Fa amara Zayd ibn Thabit. Donc Hafsa, elle a envoyé ces parties du Coran qu'elle avait. Et Uthman, il a ordonné à Zayd ibn Thabit et à Abdallah ibn Zubayr. وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم أجمعين فنسخوها في المصاحف. Donc ils ont rassemblé les feuillets que Hafsa avait, et كذلك bien sûr Zayd ibn Thabit faisait partie de Huffaz al-Quran. Ils ont rassemblé tous les versets et les ont écrits dans un mushaf, dans un livre. Donc ils ont fait plusieurs copies. وأخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف. C'est une référence ce livre. Pour celui qui veut des détails, tout ce qui concerne le Coran, comment il a été rassemblé, etc. Enfin, ce livre, c'est la référence du fils de l'imam Abu Daoud, Ibn Abi Daoud. Son livre, c'est Al-Masahih. Et il a rapporté à Mus'ab ibn Sa'd, rahimahullah, قال أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. لأن عثمان, quand il a rassemblé le Coran dans un mushaf, il a brûlé tous les autres feuillets, tous les autres livres. Et il a laissé ce mushaf que les sahaba, ils ont tous été d'accord et ils l'ont accepté. Walillahi alhamd. قال فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر منهم أحد ومن حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. نعم, أبو بكر il a rassemblé tous les différents أحرف dans certains feuillets, etc. dans certains صحف. أما عثمان فإلى rassemblé tout cela avec le même حرف. Une version dans un mushaf, et c'est cette version wallahi alhamd qui est propagée jusqu'à aujourd'hui. Hada min a'zam hasanat Uthman. Allah subhanahu wa ta'ala waffaqa, et la umma est restée unie, et jusqu'à aujourd'hui wallahi alhamd les croyants ils ne divergent pas fi al-Quran. Amma ar-rawafid az-zanadiqa fa ha'ula, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Fa li hada ils accusent al-mu'minun, et ils accusent en premier lieu Uthman d'avoir falsifié le Coran, d'avoir retiré certains versets, d'avoir ajouté. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الزِّيْرِ وَالظَّلَالِ. أَمَّا الْفُتُوحَاتِ, أي الجهاد à son époque durant son califat, l'expansion de l'islam. فَقَالَ الْإِمَامِ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي تَفْسِيرِهِ ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها. À l'époque de Uthman radiyallahu anhu, c'était la suite bien sûr du califat de Omar. L'islam s'est encore plus propagé jusqu'à ce qu'il a atteint l'extrême ouest et l'extrême est. قال ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هناك jusqu'au Maghreb, jusqu'en Andalousie, walillahil hamd. L'actuel Maroc et l'Andalousie en Espagne. قال الأندلس وقبرص. Qobros, c'est Chypre, pas loin de la Grèce. وبلاد القيروان, l'actuel Tunisie. وبلاد سبتة, مما يلي البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين. Et à l'opposé, à l'extrême est, ils ont atteint, ولله الحمد, la Chine. Tout ça, c'était pendant le califat de Uthman, رضي الله عنه. ثم بعد ذلك, et le califat de Uthman, il a duré une dizaine d'années. Bada'at al-fitna. La fitna, elle a commencé. Ya'lamu anna ahl al-fitan mina al-rawafid wal-khawarij wal-yahoud wal-nasara, ils font tout pour diviser hadihi al-umma. Ils n'ont pas réussi à l'époque de Abu Bakr. Ma'a anna al-ba'd, ils ont essayé, ils n'ont pas voulu donner la zakat, la fitna, elle a commencé. Et Abu Bakr, il les a combattus, walillahil hamd. ثم pendant le califat de Omar رضي الله عنه فالأمور صارت إلى خير. ثم à l'époque de Uthman, ils ont essayé de déstabiliser هذه الأمة et de diviser les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. عن مرة ابن كعب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان ابن عفان عليه مرجلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوك مرة ابن كعب رضي الله عنه يغابط كيز إتا avec le prophète صلى الله عليه وسلم عثمان il est passé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتخرجن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي هذا. Il leur a dit une fitna, elle va sortir. Une fitna, elle va apparaître. La division par rapport à cet homme. Qala hadha yawma idhin wa man ittaba'a 'ala al-huda. Thumma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit hadha. Et il a montré Uthman. Et ceux qui seront avec lui, ils seront sur la vérité. Et c'est eux qui auront al-haq. Rawahu Ahmad fi musnadih. الشيخ مقبل رحمه الله الا صحح في الجامع الصحيح وفيه ايضا اي في مسند احمد عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان ان الله عز وجل عسى ان يلبسك قميصا فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقان. عائشه رابورتي رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم الى جاء عثمان ان الله عز وجل عسى أن يلبس قميصا. أي الله سبحانه وتعالى peut-être qu'il va te donner un قميص que tu vas porter et les hypocrites vont essayer de te le retirer. Enfin, ne le retire pas jusqu'à ce que tu me rencontres. Et هذا لا شك c'est une إشارة à cette fitna. Ils ont essayé de lui retirer, بل ils lui ont proposé, ils l'ont forcé à délaisser الخلافة, de se retirer, et il a écouté نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم et il a patienté. رضي الله عنه. كذلك الحديث إلى في الصحيح المسند الشيخ مقبل إلى الصحاح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه avant de mourir النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال وددت أن عندي بعض أصحابي. Il a dit à عائشة j'aurais aimé avoir certains compagnons avec moi. Il était chez lui عليه الصلاة والسلام et il était malade. فسكت أو نعم قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبو بكر فسكت. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient présentes, elles ont dit est-ce qu'on appelle Abu Bakr? النبي صلى الله عليه وسلم il s'est tu. قلنا ألا ندعو لك عمر? Est-ce qu'on appelle عمر? Il s'est tu. قلنا ألا ندعو لك عثمان? Est-ce qu'on appelle عثمان? فقال صلى الله عليه وسلم نعم. Donc ils voulaient que ça soit Uthman. Et ils ont appelé Uthman. فجاء رضي الله عنه فخلبه. quand il est venu, il s'est isolé avec le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit certaines choses à عثمان et le visage de عثمان il a changé. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوم الدار. Le jour où عثمان il s'est fait encercler chez lui par Al-Khawarij, il a dit « Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ahida ilayya ahdan fa ana sabirun alayhi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a annoncé une chose que Uthman, il n'a pas dévoilée. Il m'a dit certaines choses et je patiente. Ça montre Anna Uthman, radiyallahu anhu, il était préparé à cette épreuve. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit certaines choses. Tellement que ces choses, elles étaient graves, le visage de Uthman, il a changé. Taghayyar. الحديث رواه ابن ماجه الشيخ مقبل الله صححه الجامع الصحيح باب فضائل عثمان قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن السبب تألب الأحزاب على عثمان رضي الله عنه أن رجلا يقال له عبد الله بن سبا تأملوا كما لفتنا على كمانسي أن ستم عبد الله بن سبا دوغجين دو صنعة دو يمن كان يهوديا فأظهر الإسلام. C'était un juif, akhzahullah, et il a fait croire aux autres que c'était un musulman. Fadakhala fil islam nifaqan wa sara ila Misr. Et il a commencé à se déplacer. Min huna wa huna, il est parti en Égypte. Fa awha ila ta'ifatin min an-nas kalaman ikhtara'ahu min 'indi nafsihi. Il a commencé à inventer des choses et à parler à certains jeunes et à critiquer Uthman. C'est pour ça qu'on doit faire très très attention des critiques contre le gouverneur musulman. Bien sûr, à l'époque de Uthman, c'était extrêmement grave parce que c'était Al-Khalifa, c'était le gouverneur et c'était un compagnon. Il faisait partie des califes bien guidés, radiyallahu anhu. Et les conséquences de cette fitna, on les subit jusqu'à aujourd'hui, toutes ces fitnes. Mais en tant que musulman, en tant que sunni, on doit prendre des leçons. Le premier venu qui invente des rumeurs, il a akhiré, et l'insan, il écoute, ça peut faire beaucoup de mal. Les révoltes qu'il y a à notre époque, c'est exactement la même chose, des rumeurs, laquelle ça va beaucoup plus vite avec les réseaux sociaux. N'ayez aucun doute, anna ba'd al-yahoud, akhzahumullah, wal-nasara, wa al-rawafid, et les ennemis de l'islam, annahum yashtariloun laylan wa naharan, ils en profitent. Matin et soir, nuit et jour, dans les réseaux sociaux, propager des rumeurs, des mensonges, et ils amplifient, ils déforment contre les gouverneurs musulmans. Mais si on connaît la voix des compagnons, radiyallahu anhum, et on les prend comme modèle, comment ils se sont comportés dans cette fitna, ça sera très très bénéfique pour nous. قال فافتتن به بشر كثير. Beaucoup de gens, ils sont tombés dans cette fitna en Égypte. Ils ont écouté cet hypocrite, Abdullah ibn Saba. قال وكتبوا الى جماعات من عوامه للكوفه والبصره. انظروا الفتن. Ils ont commencé à écrire des lettres aux musulmans de Al-Kufa ou Al-Basra en Irak, des ignorants comme eux. قال فتمالؤوا على ذلك وتوعدوا ان يجتمعوا في الانكار على عثمان رضي الله عنه. Comme des manifestations. Ils se sont donné rendez-vous ville Médina et se sont rassemblés pour protester contre Uthman. Ils ont délaissé la voix des compagnons, radiyallahu anhu. Ils ont délaissé la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait passer dunya avant la guidée, et ils sont tombés dans le fitna. Faja'a ha'oula, intaha kalam ibn Kathir. Faja'a ha'oula al-ashrar ila al-madina, wa hasaru amir al-mu'minin Uthman, radiyallahu anhu, fi dar. Ils se sont tous rencontrer Al-Medina aux environs de Al-Medina. Ils sont rentrés ensemble fil Medina et ils ont encerclé la maison de Uthman radiyallahu anhu. An Abi Umama radiyallahu anhu qala kunna ma'a Uthman wa huwa mahsur radiyallahu anhu fi ad-dar. Ils étaient avec Uthman et ils étaient encerclés par haoula. Fa kharaja ilayna wa huwa mutaghayyir lawnuhu fa qala إنهم ليتواعدونني بالقتل. عثمان quand il était chez lui, il a rejoint certains de ses compagnons qui étaient dans une autre pièce et il leur a dit, je les entends, ils menacent de me tuer. فَقُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Et qu'Allah te préserve, te protège de هَؤُلَا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ثم ذكر لهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فضائله ومناقبه ما لعله ينفع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر منهم. عثمان il a essayé de conseiller هؤلاء, de leur rappeler لعله ينفع فيهم النفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il leur a cité certains de ses mérites. Et ça, c'est un dalil. يقول العلماء أن dans certains cas, c'est permis de citer ses propres mérites, de faire ses propres éloges s'il y a une maslaha, s'il y a un profit. Et là, chaque année, il y avait un énorme profit pour repousser le mal de Haoula. Enfin, il leur a cité tout ce qu'on a vu, fil fadail. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qui est-ce qui achète le puits de Rouma, il aura le Jannah, qui c'est qui agrandit le masjid, qui c'est qui équipe l'armée des croyants pour la bataille de Tabouk, etc. Et à chaque fois, Uthman, il participait. Enfin, il leur a cité tout cela, lakin ma nafa fihim. Pourquoi? Parce que le bid'ah, quand elle rentre dans le cœur, quand at-ta'assub, il domine l'insan, il pense plus qu'à dunya. Et en général, ce qui pousse les gens à se révolter contre le gouverneur, c'est dunya. Wa illa. Enfin, qu'est-ce qu'il reprochait à Uthman, sahabi jalil, qui gouvernait avec le Coran, qui appliquait sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, hakada al-had. Ça nous montre kadalik, celui qui se rapproche des ennemis de l'islam et qui écoute les ennemis de l'islam, son cœur il est aveuglé. Et même des hadiths clairs et des versets du Coran al-Karim, il les rejettera. Bi kulli suhula. Qala rahimahullah fa abu illa al-istimrar ala ma hum alayhi min al-baghi wal-udwan. Ils ont continué leur injustice et ils ont fait ce blocus autour de la maison de Uthman. قال ومنعوا الناس من الدخول إليه والخروج من عنده. Ils ont empêché les gens de rentrer chez Uthman et ceux qui étaient à l'intérieur de sortir. حتى اشتد عليه الحال وذاق المجال. حتى ils ont atteint, ça a duré plusieurs jours et c'est devenu très très difficile pour ceux qui étaient à l'intérieur de la maison. ثم قال رحمه الله وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة عن أمر آبائهم منهم الحسن والحسين. Certains compagnons, ils ont envoyé leurs enfants pour encourager Uthman, pour défendre Uthman. Parmi eux, Al-Hassan ou Al-Hussein, les fils de Ali ibn Abi Talib, ou Abdullah ibn Zubayr, le fils de Zubayr ibn Al-Awwam, ou Abdullah ibn Amr, le fils de Amr ibn Al-As, ou d'autres. Ou lam yaqa fi khaladi, ay fi bal, personne n'a imaginé an al-qatl kana fi nafsi al-khariji. Personne n'a imaginé que Haoula préparait, il voulait tuer Uthman, radiyallahu anhu. Ben les gens, ils pensaient que Haoula, ils ont certaines demandes, ils ont été touchés par ce fikr, et ils sont nombreux. Enfin, on va essayer de calmer l'affaire pour pas que la fitna rentre bain al-muslimin et il y a beaucoup de morts. Essayer de les raisonner, hâte on trouve une issue. C'était ça l'intention des compagnons, radiyallahu anhum. An Abi Habib. قال عثمان رضي الله عنه عزمت على من كان لي عليه طاعة أن لا يقاتل. فعثمان رضي الله عنه il a pris cette décision. Il a pris cette décision et il a dit aux compagnons, on a vu que c'est moi l'amir et si vous m'obéissez, si vous m'écoutez toujours, enfin j'autorise personne à combattre pour moi. Et il a fermé cette porte pour pas que le sang y coule بين المؤمنين. ورد بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يقاتلوا, certains compagnons, ils ont voulu combattre. Al-Hassan, dans des récits authentiques, il a sorti son épée. Ibn Umar, le fils de Umar, il a mis son armure. Enfin, بعض الصحابة, ils ont commencé à se préparer. لكن عثمان, il les a empêchés, radiyallahu anhu. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية, قال عثمان, للذين عند في الدار من المهاجرين والأنصار, وفيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه ولو تركهم لمنعوه. نعم سي عمر سي عثمان رضي الله عنه ordonné à Oula de le défendre de bouger, enfin, ils auraient tout fait pour repousser à Oula. فقال لهم أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. Il leur a demandé, si vous m'obéissez, rentrez chez vous. رضي الله تعالى عنه. الإمام الأجوري رحمه الله تعالى, il a cité une question que beaucoup de gens ils se posent quand ils étudient cette période de l'histoire des compagnons رضي الله عنهم. قال فإن قال قائل, si quelqu'un se demande, فقد علموا أن الصحابة رضي الله عنهم, أي قد علموا أي الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان مظلوم وقد أشرف على القتل, فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. On peut se demander mais pourquoi ils n'ont pas combattu pour défendre عثمان. Et هنا كذلك vous allez voir l'importance de la science et l'importance de connaître sa aqida. Il y en a dans ce genre de sujet, si l'insan il fait passer ses sentiments avant les textes, فربما يدلسخ la vérité. فاسمع قال الإمام السني الأجري رحمه الله dans son livre الشريعة, لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل. Pourquoi? Parce que هؤلاء, quand عثمان il a décidé et il a ordonné, vu que c'était l'émir, vu qu'eux, ils n'étaient pas comme les autres qui se rebellent contre le gouverneur. La preuve, c'est eux la cause de la fitna. Mais les compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient la conviction que Uthman, c'était l'émir, il était encore vivant. Enfin, ils ont obéi. Quand il leur a dit, vous combattez pas, et ils n'ont pas bougé. Pas par peur de Haoula, ou par manque de courage. Na'oudou billah, abadan. Li'annahum, comme a dit l'Ajuri, rahmatullah alayhi, li'annahum ashab ta'a. قال فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم. Ils ont proposé l'aide. Ils ont rejeté ce munkar avec leur cœur, avec leur langue. Ils ont assisté Uthman. لكن quand il a pris cette décision, ils ont obéi. فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة. Surtout si on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé Uthman. Le visage de Uthman, il avait changé. Uthman, il connaissait certaines choses. Enfin, il a pris cette décision. Face aux Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont respecté. On peut se poser une autre question. Comme a dit l'Ajuri, rahimahullah. Fa'in qala qa'il. Fa'lima mana'ahum Uthman, radiyallahu anhum, min nusratihi, wa huwa madloum, wa qad alima anna qitalahum, inda anhu nahyun an munkar. Ba'd al-nas, ils se posent une autre question. Ils disent, on a compris, les Sahaba, ils ont obéi à Uthman. Hada, c'est clair. Lakin pourquoi Uthman il ne leur a pas donné l'ordre de combattre? C'était lui l'amir. La réponse qu'il yahtamil wujuhan kulluha mahmouda. Il a cité plusieurs points très très profitables. On va résumer, on va en citer que deux. Et c'est suffisant. Ahaduha ilmuhu radiyallahu anhu annahu maqtul madloum la shakka fihi li anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad a'lamahu أنه مقتول مظلوم أنه يقتل مظلوما فصبر. Le premier point, أنه il savait qu'il allait mourir. النبي صلى الله عليه وسلم il a annoncé. Dans l'autre hadith, quand النبي صلى الله عليه وسلم il était sur le mont Uhud avec Abu Bakr, Omar et Uthman, et il a annoncé عليه الصلاة والسلام أن Omar et Uthman ils allaient mourir شهيد. Donc Uthman il savait. Encore plus avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que c'était cette fitna. قال وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بالصابر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une riwaya تقدمت il lui a dit فصبر, patiente. Tu vas être touché par une fitna, patiente. Jusqu'à ce que tu me rejoignes. Et là je sais que le fait de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la mort. Donc Uthman radiyallahu anhu, il ne voulait pas demander l'aide des autres ou encourager les autres à combattre. Liana, pour lui, il devait patienter. Et le fait de patienter, c'est de tenir jusqu'au bout et de mourir fi sabilillah. Ça, c'est le premier point. Wa wajhun akhar, le deuxième point, et il est important. Wa annahu qad alima anna fi sahaba radiyallahu anhum qillat adad. Kadhalik Uthman, c'était lui l'amir, et il savait qu'à cette période, les compagnons, ils étaient très peu nombreux. Et ceux qui se sont rassemblés autour de chez lui, qui sont venus d'Égypte, d'Irak, etc., ils étaient extrêmement nombreux. وعثمان علم ذلك et d'autres savants منهم l'imam al-Kathir et d'autres لماذا ils ont montré pourquoi les sahaba رضي الله عنهم ils étaient pas nombreux alors que c'était à Médine et ils habitaient à Médine à cette époque beaucoup d'entre eux لأن c'était la période du Hajj ils étaient beaucoup d'entre eux ils étaient au Hajj et كذلك beaucoup d'entre eux ils étaient dans différentes contrées pour faire le jihad donc cette période avec le Hajj plus le jihad qui était permanent va Les Sahaba, ils étaient pas assez nombreux fi al-Madina. Fa Uthman radiyallahu anhu, kana ya'lam dhalik, savait c'était lui l'amir. C'est lui qui a envoyé al-Hujjaj avec à leur tête Ibn Abbas radiyallahu anhum. Donc il savait هذا. Qala al-Ajuri rahimahullah, fa law adhina lahum bil harb lam ya'man an yatlaf min sahabat nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam bi sababihi fa waqahum bi nafsihi ishfaqan minhu alayhim. Uthman, il était connu, il avait beaucoup de rahma. Il savait que si il autorise les compagnons à combattre, le peu qu'ils étaient, et là, ils étaient nombreux, il y aurait énormément de morts inda sahaba. Et vu que lui, il savait qu'il était maqtoul, qu'il allait mourir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a informé, il a voulu préserver tout le monde, et lui, de toute façon, il allait mourir, ou alhamdulillah. Hada kalamun jamil min ahli al-ilm. Ne pas écouter n'importe qui fi hada al-bab, c'est un bab zalla al-kathir fi hada al-mawdou' et ça les a poussés à accuser les compagnons radiyallahu anhum. Thumma fi yawm al-jumu'ah al-thani 'ashar min shahr dhil-hijja et بعض العلماء ils ont dit un autre jour al-muhim c'était la période du hajj le mois de dhul-hijja kassaru al-bab هؤلاء الخوارج ils ont cassé la porte ودخلوا الدار ils ont pénétré à l'intérieur de la maison وجرح بعض الأصحاب الذين كانوا هناك رضي الله عنهم certains membres de sa famille ou certains compagnons qui étaient encore devant la porte ils ont été blessés ثم أمر عثمان الجميع بالخروج من الدار Thomas, quand il a su qu'ils sont rentrés, Uthman, il a ordonné à tout le monde de sortir, radiyallahu anhu. فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا أَهْلُهُ Il n'y a que sa femme qui est restée ma'a. وَأَخَذَ رَضِيَ anhu مُصْحَفَهُ وَأَخَذَ يَقْرَ Il a pris son mushaf et il a commencé à lire. هَكَذَا الْعِلْمُ هَكَذَا الْعِبَادَةُ Même dans cette situation difficile, il a accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a suivi le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a patienté et ta'ammalu at-tawfiq. Il savait que Rubama c'était les derniers moments qui vivaient sur cette terre. Enfin, il en a profité pour appliquer une des meilleures œuvres, lire al-Qur'an al-Karim. Wa qil annahu kana sa'iman. Et ils ont rapporté annahu ijjana. Ma anna hadha al-hisar il a duré des jours. Et radiyallahu anhu, il en a profité. هذه البلوى comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité balwa tusibuk une épreuve qui va te toucher une énorme chose mais هذا il en a profité pour se rapprocher d'Allah on tire une énorme leçon nous on a celui qui est éprouvé par une maladie par une épreuve profites-en pour te rapprocher d'Allah لان ما قدره الله سبحانه وتعالى كائن لا محاله et on fait des causes bien sûr On fait les causes pour repousser Ash-Shar. Lakin ahyanan tu es dans une situation, tu as fait les causes et l'épreuve elle est toujours là. Enfin, profites-en pour sortir gagnant de cette épreuve. Qala fadakhala alayha rajulun wa khanaqa thumma darabahu bis-sayf. Mujrim min al-mujrimin. Parmi haoula al-khawarij, il est rentré dans la pièce où se trouvait Uthman en train de lire le Coran. Il l'a étouffé khanaqa. ثم ضربه بالسيف اي lui a mis un coup de sabre فقطع يد امير المؤمنين il a coupé la main de امير المؤمنين عثمان يتاملوا في هذا المكان العظيم la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam كذلك في هذا الشهر العظيم le mois de ذو الحجة un des mois sacrés durant la période du hajj ça nous montre ان الضلال والانحراف ça pousse l'insan à ne plus respecter des limites qui étaient connues chez tout le monde au départ. فمات رضي الله عنه. Après le coup de sabre, il a perdu beaucoup de sang. Wa mat. قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ وقاتلوه قاتلهم الله. Ils l'ont tué. قاتلهم الله. في داره والمصحف بين يديه. رضي الله عنه. Il est mort et il avait le mushaf dans les mains. تنبيه مهم. Une remarque avant de finir. Ou deux remarques. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل. Personne من الصحابة ont participé au meurtre de Uthman. ومن قال هذا فقد افترى. C'est très très grave. Personne n'a assisté أبدا. الصحابة رضي الله عنهم c'était أبعد الناس عن هذا. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتاله فهذا لا يصح. أما ce que certains y rapportent أن certains compagnons ils ont participé, فهذا c'est pas authentique. أما أهل السنة ils sont d'accord أن الصحابة ils ont pas participé. قال أنه رضي بقتله عثمان رضي الله عنه بل كلهم كرهوا ومقته وسب من فعله. Tous les compagnons ils étaient authentiques, ils étaient unanimes plutôt أنهم ils n'étaient pas d'accord bien sûr, بل ils ont insulté, ils ont détesté villa ceux qui ont fait cela. الإمام أحمد il a rapporté عن محمد ابن الحنفية un des enfants de Ali رضي الله عنه قال بلغ عليا أن عائشة رضي الله عنها تلعن قتلت عثمان. Ali ils lui ont rapporté que Aïcha elle maudissait ceux qui ont tué Uthman. فقال علي رضي الله عنه وأنا ألعن قتلت عثمان لعنهم الله في السهل والجبل قاله مرتين أو ثلاث. Ali رضي الله عنه quand il a entendu ça il a dit et moi aussi je maudis ceux qui ont tué Uthman et il l'a répété deux ou trois fois. فما أحد ولله الحمد من الصحابة ومن الصالحين من أهل السنة ils ont accepté ou ils ont approuvé هذا أبدا. أما دفنه رضي الله عنه فقال ابن كثير رحمه الله أما موضع قبره رضي الله عنه فلا خلاف أنه دفن بحش كوكب شرقية البقيع. Il a été enterré bien sûr à Médine dans le cimetière du Baqi à côté de la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن والصحيح الأول. Et certains ils ont prétendu أنه il n'a pas été lavé, ils ne lui ont pas mis al-kafan parce que il est mort shahid. Et al-sahih c'est qu'ils l'ont lavé et ils lui ont mis al-kafan. لأن هذا الحكم c'est pour shahid al-ma'raka, celui qui meurt في al-ma'raka. فلعل القول الصحيح القول كلا سيدي ابن كثير رحمه الله. فلا يحب هذا الصحابي الجليل إلا مؤمن تقي. Les croyants sincères qui suivent la vérité, ils aiment tous هذا الصحابي الجليل عثمان. ولا يطعن فيه إلا منحرف خبيث. Ceux qui critiquent عثمان, c'est des égarés, n'est aucun doute. فحذر أخي المسلم أن في زمننا جدد إمام التكفيريين المنحرف الضال سيد قط الطعن في ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي يومين بوك أن هذا الرجل سيد قط كي الإمام هؤلاء الخوارج أنو تخي بوك إلى جدد إلى ربخوباجي لزاكوزاسيون سور عثمان كم سيزان ستر الخوارج على بوك دو عثمان رضي الله عنه الذين قتلوه. فقال المنحرف dans son كتاب العدالة الاجتماعية وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر. ثم يغاكونت l'histoire de عثمان qu'on vient de citer quand الخوارج se sont révoltés et هذه الثورة cette révolte contre أمير المؤمنين la plus grave qui a touché cette أمة يقول اختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر. Cette révolte elle a été mélangé de vérité, de mensonge, de bien et de mal. N'a'oudou billah. Quel bien, quelle vérité fi al-thawra contre Uthman. Thumma qala labud liman yanzur ila al-umur bi'ayn al-islam wa yastash'ir al-umur bi ruh al-islam an yuqarrir an kull al-thawra fi 'umumiha kanat aqrab ila ruh al-islam wa ittijahi min mawqif Uthman. N'a'oudou billah. Et ma'a hadhihi al-waqaha avec la gravité de ses propos, Tu trouves Il a dit avec les mauvaises choses qu'il y avait dans cette révolte, malgré cela, il y avait plus de bien dans cette révolte que dans le khalifa de Uthman. Na'oudou billah. Et la révolution, elle était plus proche de l'essence même de l'islam que Mouqif Uthman, que la position de Uthman. Et son califat, tout ce qu'il a fait. Pour hadal khariji, Uthman, il a été injuste. C'est lui qui a été la cause que, pour lui, des croyants, ils se sont révoltés. Na'oudou billah. ضلال خوارج قال أو بالأدق من موقف مروان ومن ورائه بنو أمية نعم ثم pour essayer de s'en sortir il a précisé que c'était كذلك مروان أي après عثمان et toute la famille de عثمان بنو أمية وقال في العدالة كذلك dans le même livre ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخليفة الشيخين قبله Ça montre que هذا الرجل سيد قطب n'est aucun doute أنه bien sûr il avait des penchants avec il penchait vers madhhab al-khawarij بل c'est مجددهم à cette époque c'est lui qui a fait revivre le madhhab à cette époque n'est aucun doute كذلك أنه تأثر بالروافض C'est pour ça que هو قال هنا أن le califat de Ali il avait la même source que le califat de Abu Bakr et Omar وهذا لا شك أن علي رضي الله عنه c'est من الخلفاء الراشدين Et il avait la même voix que ses frères, les Sahaba radiyallahu anhum. Lakin ta'ammal, qu'est-ce qu'il va dire de Uthman? Qal wa anna ahd Uthman kana fajwa baynahuma. Amma la période de Uthman, c'était un trou noir entre le califat d'Abu Bakr et Omar et le califat de Ali. Ta'ammal, il n'a même pas dit califat pour Uthman, il a dit l'ahd, la période. Pour lui, c'était un trou noir, une période sombre. Fa na'oudhu billah mina at-ta'n fi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fa hadharu min ha'ula at-tullal. احذروا ان تخبوك بعض الناس ظاهرهم السنه je pense que c'est un sunni ويدافع عن هذا المنحرف الضال سيد قطب avec toutes ces paroles graves contre اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي الله عن امير المؤمنين وسائر اخوانه من المهاجرين والانصار ونسال الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين